Que fait la sœur de Guylaine qui voulait être pianiste quand elle était petite? Elle travaille dans le bureau de son papa, comme dactylo.